pas jolie, elle rend fou les hommes. Quand elle passe dans la zone, j'ai encore sa voix qui résonne. Qu'est-ce qu'elle est belle ma jolie, en personne elle ressemble. En plus j'aime bien son caractère, j'ai des sentiments il me semble. Mais j'y dis pas, je suis trop terre-terre. J'aime bien cette girl, je crois bien que c'est mon coup de cœur. Elle se plaint que je reste au secteur, pour moi elle a peur. Franchement t'es jolie, et ce boule qui met dans l'insomnie. Je pense souvent à toi quand je m'ennuie, et toi tu commences en moi. Je vois que tu me parles plus, dis-moi qu'est-ce qui se passe là. Qu'est-ce qui t'a déplu, et qu'est-ce que tu veux que j'y fasse moi. Quand je la calcule pas, elle fait pareil. Ma jolie, elle attend que je serre. Ma jolie, ma jolie, dis-moi que tu m'aimes à la folie. Les yeux d'Angelina Jolie, mental sans drap à Oli. Ma jolie, dis-moi que tu m'aimes à la folie. Les yeux d'Angelina Jolie, mental sans drap à Oli. Chaque fois qu'elle me voit souffrir, quand elle me fait la tête, je vois mon cœur s'ouvrir. On se fait des bisous, on se fait des gâtés. Sa peau toute douce, elle me fait craquer. Moi, celle tu me tournes autour, ça fait longtemps. Laisse tomber, je suis avec ma jolie, je ne vois même plus passer le temps. Quand je vais la voir, je suis en asie, sans calendi. Là, je crois bien que je vais rester avec elle jusqu'à lundi. Ma jolie, je lui fais tester mon bolide. Dans ma folie, je lui fais tester mon brolic. Et je m'envole, folle, folle. Faut que je reste zen, zen, zen. C'est ma drogue, la vie colle, colle, colle. Elle me donne des ailes, ailes, ailes. Hey. Ma jolie, faut que je reste solide. Ma jolie, faut que je reste solide. Qu'est-ce qu'elle est belle, ma jolie. Qu'est-ce qu'elle est belle, ma jolie. Qu'est-ce qu'elle est belle, ma jolie. Qu'est-ce qu'elle est belle, ma jolie. Tu m'aimes à la folie. Les yeux d'Angelina Jolie, mental sans drapeau.